Chapitre 4. Le matin du mois de décembre, en se rendant au cours de procédure, il crut remarquer dans la rue Saint-Jacques plus d'animation qu'à l'ordinaire. Les étudiants sortaient précipitamment des cafés, où, par les fenêtres ouvertes, ils s'appelaient d'une maison à l'autre. Les boutiquiers, au milieu du trottoir, regardaient d'un air inquiet. Les volets se fermaient, et quand il arriva dans la rue Soufflot, il aperçut un grand rassemblement autour du Panthéon. Des jeunes gens, par bandes inégales de 5 à 12, se promenaient en se donnant le bras et abordaient les groupes plus considérables qui stationnaient çà et là. Au fond de la place, contre les grilles, des hommes en blouse péroraient, tandis que, le tricorne sur l'oreille et les mains derrière le dos, des sergents de ville erraient le long des murs en faisant sonner les dalles sous leurs fortes bottes. Tous avaient un air mystérieux, ébahi. On attendait quelque chose, évidemment. Chacun retenait au bord des lèvres une interrogation. Frédéric se trouvait auprès d'un jeune homme blond, à la figure avenante et portant moustache et barbiche comme un raffiné du temps de Louis XIII. Il lui demanda la cause du désordre. « Je n'en sais rien, » reprit l'autre. « Ni eux non plus. C'est leur mode à présent. Quelle bonne farce !» Et il éclata de rire. Les pétitions pour la réforme, que l'on faisait signer dans la garde nationale, jointes au recensement Humann, d'autres événements encore, amenaient depuis 6 mois dans Paris d'inexplicables attroupements, et même, ils se renouvelaient si souvent que les journaux n'en parlaient plus. « Cela manque de galbe et de couleur, » continua le voisin de Frédéric. « Le QI, messire, que nous avons dégénéré, à la bonne époque de Louis XIe, voire de Benjamin Constant. Il y avait plus de mutineries parmi les écoliers. Je les trouve pacifiques comme moutons, bêtes comme cornichons et idoines à être épiciers, pasque Dieu. Et voilà ce qu'on appelle la jeunesse des écoles. » Il écarta les bras, largement, comme Frédéric le Maître dans Robert Marker. « Jeunesse des écoles, je te bénis. » Ensuite, apostrophant un chiffonnier, qui remuait des écailles d'huîtres contre la borne d'un marchand de vin. « En fais-tu partie, toi, de la jeunesse des écoles ?» Le vieillard releva une face hideuse, où l'on distinguait au milieu d'une barbe grise, un nez rouge et 2 yeux avinés stupides. « Non, tu me parais plutôt un de ces hommes à figure patibulaire que l'on voit, dans divers groupes, semant l'or à pleine main. Oh, sème, mon patriarche, sème. Corromps-moi avec les trésors d'Albion. Are you English ? Je ne repousse pas les présents d'Artaxerxès. Causons peu de l'union douanière. » Frédéric sentit quelqu'un lui toucher à l'épaule. Il se retourna. C'était Martinon, prodigieusement pâle. « Eh bien » fit-il en poussant un gros soupir. « Encore une émeute. » Il avait peur d'être compromis, se lamentait. Des hommes en blouse, surtout, l'inquiétaient, comme appartenant à des sociétés secrètes. « Est-ce qu'il y a des sociétés secrètes ?» dit le jeune homme à moustache. « C'est une vieille blague du gouvernement pour épouvanter les bourgeois. » Martinon l'engagea à parler plus bas, dans la crainte de la police. « Vous croyez encore à la police, vous ? Au fait, que savez-vous, monsieur, si je ne suis pas moi-même un mouchard ?» Il le regarda d'une telle manière que Martinon, fort ému, ne comprit point d'abord la plaisanterie. La foule les poussait, et ils avaient été forcés, tous les trois, de se mettre sur le petit escalier conduisant par un couloir dans le nouvel amphithéâtre. Bientôt la multitude se fendit d'elle-même. Plusieurs têtes se découvrirent. On salua l'illustre professeur Samuel Rondelot, qui, enveloppé de sa grosse redingote, levant en l'air ses lunettes d'argent et soufflant de son asthme, s'avançait à pas tranquille pour faire son cours. Cet homme était une des gloires judiciaires du XIXe siècle, le rival des Zacharie et des Rudorf. Sa dignité nouvelle de pair de France n'avait modifié en rien ses allures. On le savait pauvre, et un grand respect l'entourait. Cependant, du fond de la place, quelques-uns crièrent « À bas Guizot ! À bas Pritchard ! À bas les vendus ! À bas Louis-Philippe !» La foule oscilla, et se pressant contre la porte de la cour qui était fermée, elle empêchait le professeur d'aller plus loin. Il s'arrêta devant l'escalier. On l'aperçut bientôt sur la dernière des 3 marches. Il parla. Un bourdonnement couvrit sa voix. Bien qu'on l'aimât tout à l'heure, on le haïssait maintenant, car il représentait l'autorité. Chaque fois qu'il essayait de se faire entendre, les cris recommençaient. Il fit un grand geste pour engager les étudiants à le suivre. Une vocifération universelle lui répondit. Il haussa les épaules dédaigneusement et s'enfonça dans le couloir. Martinon avait profité de sa place pour disparaître en même temps. « Quel lâche !» dit Frédéric. « Il est prudent !» reprit l'autre. La foule éclata en applaudissements. Cette retraite du professeur devenait une victoire pour elle. À toutes les fenêtres, des curieux regardaient. Quelques-uns entonnaient la Marseillaise. D'autres proposaient d'aller chez Béranger. « Chez Lafitte !»« Chez Chateaubriand !»« Chez Voltaire !» hurla le jeune homme à moustache blonde. Les sergents de ville tâchaient de circuler, en disant le plus doucement qu'ils pouvaient. « Partez, messieurs, partez, retirez-vous !» Quelqu'un cria « À bas les assommeurs !» C'était une injure usuelle depuis les troubles du mois de septembre. Tous la répétèrent. On huait, on sifflait les gardiens de l'ordre public. Ils commençaient à pâlir. Un d'eux n'y résista plus, et avisant un petit jeune homme qui s'approchait de trop près, en lui riant au nez, il le repoussa si rudement qu'il le fit tomber 5 pas plus loin, sur le dos, devant la boutique du marchand de vin. Tous s'écartèrent, mais presque aussitôt il roula sur lui-même, terrassé par une sorte d'Hercule dont la chevelure, telle qu'un paquet d'étoupes, débordait sous une casquette en toile cirée. Arrêté depuis quelques minutes au coin de la rue Saint-Jacques, il avait lâché bien vite un large carton qu'il portait, pour bondir vers le sergent de ville et le tenant renversé sous lui, il labourait sa face à grands coups de poing. Les autres sergents accoururent. Le terrible garçon était si fort qu'il en fallut 4 au moins pour le dompter. 2 le secouaient par le collet, 2 autres le tiraient par les bras, 1/5 lui donnait avec le genou des bourrades dans les reins, et tous l'appelaient brigand, assassin, émeutier. La poitrine nue et les vêtements en lambeaux, il protestait de son innocence. Il n'avait pu de sang-froid voir battre un enfant. « Je m'appelle Dussardier. Chez Monsieur Vanassard, frère Dentelle et Nouveauté, rue de Cléry. Où est mon carton? Je veux mon carton !» Il répétait. « Dussardier, rue de Cléry, mon carton !» Il s'apaisa pourtant, et d'un air stoïque, se laissa conduire vers le poste de la rue Descartes. Un flot de monde le suivit. Frédéric et le jeune homme à moustache marchaient immédiatement par derrière, plein d'admiration pour le commis et révolté contre la violence du pouvoir. À mesure que l'on avançait, la foule devenait moins grosse. Les sergents de ville, de temps à autre, se retournaient d'un air féroce, et les tapageurs n'ayant plus rien à faire, les curieux rien à voir, tous s'en allaient peu à peu. Des passants que l'on croisait considéraient Dussardier et se livraient tout haut à des commentaires outrageants. Une vieille femme, sur sa porte, s'écria même qu'il avait volé un pain. Cette injustice augmenta l'irritation des deux amis. Enfin, on arriva devant le corps de garde. Il ne restait qu'une 20aine de personnes. La vue des soldats suffit pour les disperser. Frédéric et son camarade réclamèrent, hardiment, celui qu'on venait de mettre en prison. Le factionnaire les menaça, s'ils insistaient, de les y fourrer eux-mêmes. Ils demandèrent le chef du poste, et déclinèrent leur nom avec leur qualité d'élève en droit, affirmant que le prisonnier était leur condisciple. On les fit entrer dans une pièce toute nue, où 4 bancs s'allongeaient contre les murs de plâtre enfumés. Au fond, un guichet s'ouvrit. Alors parut le robuste visage de Dussardier, qui, dans le désordre de sa chevelure, avec ses petits yeux francs et son nez carré du bout, rappelait confusément la physionomie d'un bon chien. « Tu ne nous reconnais pas ?» dit Hussonnet. C'était le nom du jeune homme à moustache. « Mais, » balbutia Dussardier. « Ne fais donc plus l'imbécile, » reprit l'autre. « On sait que tu es, comme nous, élève en droit. » Malgré leur clignement de paupières, Dussardier ne devinait rien. Il parut se recueillir, puis tout à coup, « A-t-on retrouvé mon carton ?» Frédéric leva les yeux, découragé. Hussonnet répliqua. « Ah, ton carton, où tu mets tes notes de cours. Oui, oui, rassure-toi. » Ils redoublaient leur pantomime. Dussardier comprit enfin qu'il venait pour le servir, et il se tut, craignant de les compromettre. D'ailleurs, il éprouvait une sorte de honte en se voyant haussé au rang social d'étudiant, et le pareil de ces jeunes hommes qui avaient des mains si blanches. « Veux-tu faire dire quelque chose à quelqu'un ?» demanda Frédéric. « Non, merci, à personne. Mais ta famille ?» Il baissa la tête sans répondre. Le pauvre garçon était bâtard. Les deux amis restaient étonnés de son silence. « As-tu de quoi fumer ?» reprit Frédéric. Il se palpa, puis retira du fond de sa poche les débris d'une pipe. Une belle pipe en écume de mer, avec un tuyau en bois noir, un couvercle d'argent et un bout d'ambre. Depuis 3 ans, il travaillait à en faire un chef-d'œuvre. Il avait eu soin d'en tenir le fourreau constamment serré dans une gaine de chamois, de la fumer le plus lentement possible, sans jamais la poser sur du marbre, et, chaque soir, de la suspendre au chevet de son lit. À présent, il en secouait les morceaux dans sa main dont les ongles saignaient, et le menton sur la poitrine, les prunelles fixes, béants, et il contemplait ces ruines de sa joie avec un regard d'une ineffable tristesse. « Si nous lui donnions des cigares, hein ?» dit tout bas Hussonnet en faisant le geste d'en atteindre. Frédéric avait déjà posé au bord du guichet un porte-cigare rempli. « Prends donc. Adieu, bon courage. » Dussardier se jeta sur les deux mains qui s'avançaient. Il les serrait frénétiquement, la voix entrecoupée par des sanglots. « Comment ? À moi ? À moi ?» Les deux amis se dérobèrent à sa reconnaissance, sortirent, et allèrent déjeuner ensemble au café Tabouret, devant le Luxembourg. Tout en séparant le beefsteak, Hussonnet apprit à son compagnon qu'il travaillait dans des journaux de mode et fabriquait des réclames pour l'art industriel. « Chez Jacques Arnoux, » dit Frédéric. « Vous le connaissez ?»« Oui, non, c'est-à-dire je l'ai vu, je l'ai rencontré. » Il demanda négligemment à Hussonnet s'il voyait quelquefois sa femme. « De temps à autre, » reprit le bohème. Frédéric n'osa poursuivre ses questions. Cet homme venait de prendre une place démesurée dans sa vie. Il payait la note du déjeuner, sans qu'il y eût de la part de l'autre aucune protestation. La sympathie était mutuelle. Ils échangèrent leurs adresses, et Hussonnet l'invita cordialement à l'accompagner jusqu'à la rue de Fleurus. Ils étaient au milieu du jardin quand l'employé d'Arnoux, retenant son haleine, contourna son visage dans une grimace abominable et se mit à faire le coq. Alors tous les coqs qu'il y avait aux environs lui répondirent par des cocoricots prolongés. « C'est un signal, » dit Hussonnet. Ils s'arrêtèrent près du théâtre Bobino, devant une maison où l'on pénétrait par une allée. Dans la lucarne d'un grenier, entre des capucines et des pois de senteur, une jeune femme se montra nue-tête en corset et appuyant ses deux bras contre le bord de la gouttière. « Bonjour, mon ange. Bonjour, Bibiche. » fit Hussonnet en lui envoyant des baisers. Il ouvrit la barrière d'un coup de pied et disparut. Frédéric l'attendit toute la semaine. Il n'osait aller chez lui, pour n'avoir point l'air impatient de se faire rendre à déjeuner. Mais il le chercha partout le quartier latin. Il le rencontra un soir et l'emmena dans sa chambre sur le quai Napoléon. La causerie fut longue. Ils s'épanchèrent. Hussonnet ambitionnait la gloire et les profits du théâtre. Il collaborait à des vaudevilles non reçues, avait des masses de plans, tournait le couplet. Il en chanta quelques-uns. Puis, remarquant dans l'étagère un volume de Hugo et un autre de Lamartine, il se répandit en sarcasme sur l'école romantique. Ces poètes-là n'avaient ni bon sens ni correction, et n'étaient pas français surtout. Il se vantait de savoir sa langue, et épluchait les phrases les plus belles avec cette sévérité hargneuse, ce goût académique, qui distingue les personnes d'humeur folâtre quand elles abordent l'air sérieux. Frédéric fut blessé dans ses prédilections. Il avait envie de rompre. Pourquoi ne pas hasarder tout de suite le mot d'où son bonheur dépendait? Il demanda au garçon de lettres s'il pouvait le présenter chez Arnoux. La chose était facile, et ils convinrent du jour suivant. Hussonnet manqua le rendez-vous. Il en manqua 3 autres. Un samedi, vers 4 heures, il apparut. Mais, profitant de la voiture, il s'arrêta d'abord au Théâtre Français pour avoir un coupon de loge. Il se fit descendre chez un tailleur, chez une couturière. Il écrivait des billets chez les concierges. Enfin, ils arrivèrent boulevard Montmartre. Frédéric traversa la boutique, monta l'escalier. Arnoux le reconnut dans la glace placée devant son bureau, et tout en continuant à écrire, lui tendit la main par-dessus l'épaule. 5 ou 6 personnes, debout, emplissaient l'appartement étroit. qu'éclairait une seule fenêtre donnant sur la cour. Un canapé en damas de laine brune occupait au fond l'intérieur d'une alcôve entre deux portières d'étoffe semblables. Sur la cheminée couverte de paperasse, il y avait une Vénus en bronze. Deux candélabres, garnis de bougies roses, la flanquaient parallèlement. À droite, près d'un cartonnier, un homme dans un fauteuil lisait le journal, en gardant son chapeau sur sa tête. Les murailles disparaissaient sous des estampes et des tableaux, gravures précieuses ou esquissées de maîtres contemporains, ornées de dédicaces, qui témoignaient pour Jacques Arnoux de l'affection la plus sincère. « Cela va toujours bien ? » fit-il en se tournant vers Frédéric. Et sans attendre sa réponse, il demanda bas à Hussonnet « Comment l'appelez-vous votre ami ?» Puis, tout haut, « Prenez donc un cigare sur le cartonnier dans la boîte. » L'art industriel, posé au point central de Paris, était un lieu de rendez-vous commode, un terrain neutre où les rivalités se coudoyaient familièrement. On y voyait, ce jour-là, en ténor brève, le portraitiste des rois. Jules Burieux, qui commençait à populariser par ses dessins les guerres d'Algérie. Le caricaturiste Sombaz, le sculpteur Vourda, d'autres encore, et aucun ne répondait aux préjugés de l'étudiant. Leur manière était simple, leurs propos libres. Le mystique Levarias débita un conte obscène, et l'inventeur du paysage oriental, le fameux Dittmer, portait une camisole de tricot sous son gilet et prit l'omnibus pour s'en retourner. Il fut d'abord question d'une nommée Apollonie, un ancien modèle que Burieux prétendait avoir reconnu sur le boulevard, dans une Daumont. Hussonnet expliqua cette métamorphose par la série de ses entreteneurs. « Comme ce gaillard-là connaît les filles de Paris, » dit Arnoux. « Après vous, s'il en reste, sire, » répliqua le bohème, avec un salut militaire, pour imiter le grenadier aux Françagourdes à Napoléon. Puis on discuta quelques toiles, où la tête d'Apollonie avait servi. Les confrères absents furent critiqués. On s'étonnait du prix de leurs œuvres, et tous se plaignaient de ne point gagner suffisamment, lorsqu'entra un homme de taille moyenne, l'habit fermé par un seul bouton, les yeux vifs, l'air un peu fou. « Quel tas de bourgeois vous êtes ? » dit-il. « Qu'est-ce que cela fait, miséricorde ?» Les vieux qui confectionnaient des chefs-d'œuvre ne s'inquiétaient pas du million. « Corrège, Murillo. » « Ajoutez Pellerin, » dit Sombaz. Mais sans relever l'épigramme, il continua de discourir avec tant de véhémence qu'Arnoux fut contraint de lui répéter deux fois « Ma femme a besoin de vous, jeudi, n'oubliez pas !» Cette parole ramena la pensée de Frédéric sur Madame Arnoux. Sans doute on pénétrait chez elle par le cabinet près du divan. Arnoux, pour prendre un mouchoir, venait de l'ouvrir. Frédéric avait aperçu dans le fond un lavabo, mais une sorte de grommellement sortit du coin de la cheminée. C'était le personnage qui lisait son journal dans le fauteuil. Il avait 5 pieds 9 pouces, les paupières un peu tombantes, la chevelure grise, l'air majestueux, et s'appelait Roginbard. « Qu'est-ce donc, citoyen ? » dit Arnoux. « Encore une nouvelle canaillerie du gouvernement !» Il s'agissait de la destitution d'un maître d'école. Pellerin reprit son parallèle entre Michel-Ange et Shakespeare. Dittmer s'en allait. Arnoux le rattrapa pour lui mettre dans la main 2 billets de banque. Alors Hussonnet, croyant le moment favorable. « Vous ne pourriez pas m'avancer, mon cher patron. » Mais Arnoux s'était rassis et gourmandait un vieillard d'aspect sordide en lunettes bleues. « Ah, vous êtes joli, père Isaac. Voilà 3 œuvres décriées, perdues. Tout le monde se fiche de moi. On les connaît maintenant. Que voulez-vous que j'en fasse ? Il faudra que je les envoie en Californie. Au diable, taisez-vous. » La spécialité de ce bonhomme consistait à mettre au bas de ses tableaux des signatures de maîtres anciens. Arnoux refusait de le payer. Il le congédia brutalement. Puis, changeant de manière, il salua un monsieur décoré, gourmé, avec favori et cravate blanche. Le coude sur l'espagnolette de la fenêtre, il lui parla pendant longtemps d'un air mielleux. Enfin, il éclata. « Eh, je ne suis pas embarrassé d'avoir des courtiers, monsieur le comte. » Le gentilhomme s'étant résigné, Arnoux lui solda 25 louis, et dès qu'il fut dehors, sentit l'assommant ses grands seigneurs. « Tous des misérables !» murmura Roginbard. À mesure que l'heure avançait, les occupations d'Arnoux redoublaient. Il classait des articles, décachetait des lettres, alignait des comptes. Au bruit du marteau dans le magasin, sortait pour surveiller les emballages, puis reprenait sa besogne. Et tout en faisant courir sa plume de fer sur le papier, il ripostait aux plaisanteries. Il devait dîner le soir chez son avocat et partait le lendemain pour la Belgique. Les autres causaient des choses du jour, le portrait de Cherubini, l'hémicycle des Beaux-Arts, l'exposition prochaine. Pellerin déblatérait contre l'Institut. Les cancans, les discussions s'entrecroisaient. L'appartement, bas de plafond, était si rempli qu'on ne pouvait remuer. Et la lumière des bougies roses passait dans la fumée des cigares, comme des rayons de soleil dans la brume. La porte, près du divan, s'ouvrit, et une grande femme mince entra, avec des gestes brusques, qui faisaient sonner sur sa robe en taffetas noir toutes les breloques de sa montre. C'était la femme entrevue l'été dernier au Palais Royal. Quelques-uns, l'appelant par son nom, échangèrent avec elle des poignées de main. Hussonnet avait enfin arraché une cinquantaine de francs. La pendule sonna 7 heures, tous se retirèrent. Arnoux dit à Pellerin de rester et conduisit Mademoiselle Vatenat dans le cabinet. Frédéric n'entendait pas leurs paroles, il chuchotait. Cependant, la voix féminine s'éleva. « Depuis 6 mois que l'affaire est faite, j'attends toujours. » Il y eut un long silence. Mademoiselle Vatenat reparut. Arnoux lui avait encore promis quelque chose. « Oh oh, plus tard, nous verrons. » « Adieu, homme heureux, » dit-elle en s'en allant. Arnoux rentra vivement dans le cabinet, écrasa du cosmétique sur ses moustaches, haussa ses bretelles pour tendre ses sous-pieds, et tout en se lavant les mains. « Il me faudrait 2 dessus de porte, à 250 la pièce, genre bouché, est-ce convenu ?»« Soit, » dit l'artiste, devenu rouge. « Bon, et n'oubliez pas ma femme. » Frédéric accompagna Pellerin jusqu'au haut du faubourg Poissonnière, et lui demanda la permission de venir le voir quelquefois, faveur qui fut accordée gracieusement. Pellerin lisait tous les ouvrages d'esthétique pour découvrir la véritable théorie du beau, convaincu, quand il l'aurait trouvé, de faire des chefs-d'œuvre. Il s'entourait de tous les auxiliaires imaginables, dessins, plâtres, modèles, gravures, et il cherchait, se rongeait. Il accusait le temps, ses nerfs, son atelier, sortait dans la rue pour rencontrer l'inspiration, tressaillait de l'avoir saisi, puis abandonnait son œuvre et en rêvait une autre qui devait être plus belle. Ainsi tourmenté par des convoitises de gloire et perdant ses jours en discussion, croyant à 1000 niaiseries, au système, aux critiques, à l'importance d'un règlement ou d'une réforme en matière d'art, il n'avait, à 50 ans, encore produit que des ébauches. Son orgueil robuste l'empêchait de subir aucun découragement. Mais il était toujours irrité, et dans cette exaltation à la fois factice et naturelle qui constitue les comédiens. On remarquait en entrant chez lui 2 grands tableaux, où les premiers tons, posés çà et là, faisaient sur la toile blanche des taches de brun, de rouge et de bleu. Un réseau de lignes à la craie s'étendait par-dessus, comme les mailles 20 fois reprises d'un filet. Il était même impossible d'y rien comprendre. Pellerin expliqua le sujet de ces 2 compositions en indiquant avec le pouce les parties qui manquaient. L'une devait représenter la démence de Nabuchodonosor, l'autre l'incendie de Rome par Néron. Frédéric les admira. Il admira des académies de femmes échevelées, des paysages où les troncs d'arbres tordus par la tempête foisonnaient, et surtout des caprices à la plume, souvenirs de Callot, de Rembrandt ou de Goya, dont il ne connaissait pas les modèles. Pellerin n'estimait plus ces travaux de sa jeunesse. Maintenant, il était pour le grand style. Il dogmatisa sur Phidias et Winckelmann éloquemment. Les choses autour de lui renforçaient la puissance de sa parole. On voyait une tête de mort sur un prie-dieu, des yatagans, une robe de moine. Frédéric l'endossa. Quand il arrivait de bonne heure, il le surprenait dans son mauvais lit de sangle que cachait un lambeau de tapisserie. Car Pellerin se couchait tard, fréquentant les théâtres avec assiduité. Il était servi par une vieille femme en haillons, dînait à la gargote et vivait sans maîtresse. Ses connaissances, ramassées pêle-mêle, rendaient ses paradoxes amusants. Sa haine contre le commun et le bourgeois débordait en sarcasme d'un lyrisme superbe, et il avait pour les maîtres une telle religion qu'elle le montait presque jusqu'à eux. Mais pourquoi ne parlait-il jamais de Madame Arnoux? Quant à son mari, tantôt il l'appelait un bon garçon, d'autres fois un charlatan. Frédéric attendait ses confidences. Un jour, en feuilletant un de ses cartons, il trouva dans le portrait d'une bohémienne quelque chose de Mademoiselle Batnaz, et comme cette personne l'intéressait, il voulut savoir sa position. Elle avait été, croyait Pellerin, d'abord institutrice en province. Maintenant, elle donnait des leçons et tâchait d'écrire dans les petites feuilles. D'après ses manières avec Arnoux, on pouvait, selon Frédéric, la supposer sa maîtresse. Ah bah, il en a d'autres. Alors le jeune homme, en détournant son visage qui rougissait de honte sous l'infamie de sa pensée, ajouta d'un air crâne. Sa femme le lui rend, sans doute. Pas du tout, elle est honnête. Frédéric eut un remords et se montra plus assidu au journal. Les grandes lettres composant le nom d'Arnaud sur la plaque de marbre, au haut de la boutique, lui semblaient toutes particulières et grosses de signification, comme une écriture sacrée. Le large trottoir, descendant, facilitait sa marche. La porte tournait presque d'elle-même, et la poignée, lisse au toucher, avait la douceur et comme l'intelligence d'une main dans la sienne. Insensiblement, il devint aussi ponctuel que Regimbard. Tous les jours, Regimbard s'asseyait au coin du feu, dans son fauteuil, s'emparait du national, ne le quittait plus, et exprimait sa pensée par des exclamations ou de simples haussements d'épaules. De temps à autre, il s'essuyait le front avec son mouchoir de poche roulé en boudin et qu'il portait sur sa poitrine, entre deux boutons de sa redingote verte. Il avait un pantalon à plis, des souliers-bottes, une cravate longue, et son chapeau à bord retroussé le faisait reconnaître de loin dans les foules. À 8 heures du matin, il descendait des hauteurs de Montmartre pour prendre le vin blanc dans la rue Notre-Dame-des-Victoires. Son déjeuner, que suivaient plusieurs parties de billard, le conduisait jusqu'à 3 heures. Il se dirigeait alors vers le passage des panoramas pour prendre l'absinthe. Après la séance chez Arnoux, il entrait à l'estaminet bordelais pour prendre le vermouth. Puis, au lieu de rejoindre sa femme, souvent il préférait dîner seul dans un petit café de la place Gaillon, où il voulait qu'on lui servît des plats de ménage, des choses naturelles. Enfin, il se transportait dans un autre billard et y restait jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure du matin, jusqu'au moment où, le gaz éteint et les volets fermés, le maître de l'établissement, exténué, le suppliait de sortir. Et ce n'était pas l'amour des boissons qui attirait dans ces endroits le citoyen Regimbard, mais l'habitude ancienne d'y causer politique. Avec l'âge, sa verve était tombée. Il n'avait plus qu'une morosité silencieuse. On aurait dit, à voir le sérieux de son visage, qu'il roulait le monde dans sa tête. Rien n'en sortait, et personne, même de ses amis, ne lui connaissait d'occupation, bien qu'il se donnât pour tenir un cabinet d'affaires. Arnaud paraissait l'estimer infiniment. Il dit un jour à Frédéric « Celui-là en sait long. Allez, c'est un homme fort. » Une autre fois, Regimbard étala sur son pupitre des papiers concernant des mines de kaolin en Bretagne. Arnoux s'en rapportait à son expérience. Frédéric se montra plus cérémonieux pour Regimbard, jusqu'à lui offrir l'absinthe de temps à autre. Et quoiqu'il le jugeât stupide, souvent il demeurait dans sa compagnie pendant une grande heure, uniquement parce que c'était l'ami de Jacques Arnoux. Après avoir poussé dans leur début des maîtres contemporains, le marchand de tableaux, homme de progrès, avait tâché, tout en conservant des allures artistiques, d'étendre ses profits pécuniaires. Il recherchait l'émancipation des arts, le sublime à bon marché. Toutes les industries du luxe parisien subirent son influence, qui fut bonne pour les petites choses et funeste pour les grandes. Avec sa rage de flatter l'opinion, il détourna de leur voix les artistes habiles, corrompit les forts, épuisa les faibles, et illustra les médiocres. Il en disposait par ses relations et par sa revue. Les rapins ambitionnaient de voir leurs œuvres à sa vitrine, et les tapissiers prenaient chez lui des modèles d'ameublement. Frédéric le considéra à la fois comme millionnaire, comme dilettante, comme homme d'action. Bien des choses pourtant l'étonnaient, car le sieur Arnoux était malicieux dans son commerce. Il recevait du fond de l'Allemagne ou de l'Italie une toile achetée à Paris 1500 francs, et exhibant une facture qu'il apportait à 4000, la revendait 3500, par complaisance. Un de ses tours ordinaires avec les peintres était d'exiger comme pot de vin une réduction de leurs tableaux, sous prétexte d'en publier la gravure. Il vendait toujours la réduction et jamais la gravure ne paraissait. À ceux qui se plaignaient d'être exploités, il répondait par une tape sur le ventre. Excellent d'ailleurs, il prodiguait les cigares, tutoyait les inconnus, s'enthousiasmait pour une œuvre ou pour un homme, et s'obstinant alors, ne regardant à rien, multipliait les courses, les correspondances, les réclames. Il se croyait fort honnête, et dans son besoin d'expansion, racontait naïvement ses indélicatesses. Une fois, pour vexer un confrère qui inaugurait un autre journal de peinture par un grand festin, il pria Frédéric d'écrire sous ses yeux, un peu avant l'heure du rendez-vous, des billets où l'on désinvitait les convives. « Cela n'attaque pas l'honneur, vous comprenez ?» Et le jeune homme n'osa lui refuser ce service. Le lendemain, en entrant avec Hussonnet dans son bureau, Frédéric vit par la porte, celle qui s'ouvrait sur l'escalier, le bas d'une robe disparaître. « Mille excuses, » dit Hussonnet, « si j'avais cru qu'il y avait des femmes. »« Oh, pour celle-là, c'est la mienne, » reprit Arnaud. « Elle montait me faire une petite visite en passant. »« Comment ?» dit Frédéric. « Mais oui, elle s'en retourne chez elle, à la maison. » Le charme des choses ambiantes se retira tout à coup. Ce qu'il y sentait confusément épandu venait de s'évanouir, ou plutôt, n'y avait jamais été. Il éprouvait une surprise infinie et comme la douleur d'une trahison. Arnoux, en fouillant dans son tiroir, souriait. Se moquait-il de lui? Le commis déposa sur la table une liasse de papiers humides. « Ah, les affiches !» s'écria le marchand. « Je ne suis pas prêt de dîner ce soir. » Rejavard prenait son chapeau. « Comment, vous me quittez ?»« 7 heures, » dit Rejimbard. Frédéric le suivit. Au coin de la rue Montmartre, il se retourna. Il regarda les fenêtres du premier étage, et il rit intérieurement de pitié sur lui-même, en se rappelant avec quel amour il les avait si souvent contemplées. Où donc vivait-elle? Comment la rencontrer maintenant? La solitude se rouvrait autour de son désir plus immense que jamais. « Venez-vous la prendre ?» dit Rejimbard. « Prendre qui ? L'absinthe ?» Et cédant à ses obsessions, Frédéric se laissa conduire à l'estaminet bordelais, tandis que son compagnon, posé sur le coude, considérait la carafe. Il jetait les yeux de droite et de gauche. Mais il aperçut le profil de Pellerin sur le trottoir. Il cogna vivement contre le carreau. Le peintre n'était pas assis que Rejimbard lui demanda pourquoi on ne le voyait plus à l'art industriel. « Que je crève si j'y retourne. C'est une brute, un bourgeois, un misérable, un drôle. » Ces injures flattaient la colère de Frédéric. Il n'en était blessé cependant, car il lui semblait qu'elles atteignaient un peu Madame Arnoux. « Qu'est-ce donc qu'il vous a fait ?» dit Rejimbard. Pellerin battit le sol avec son pied et souffla fortement au lieu de répondre. Il se livrait à des travaux clandestins, tels que portraits aux deux crayons ou pastiches de grands maîtres pour les amateurs peu éclairés. Et comme ses travaux l'humiliaient, il préférait se taire, généralement. Mais la crasse d'Arnaud l'exaspérait trop. Il se soulagea. D'après une commande dont Frédéric avait été le témoin, il lui avait apporté 2 tableaux. Le marchand alors s'était permis des critiques. Il avait blâmé la composition, la couleur et le dessin surtout, bref, à aucun prix n'en avait voulu. Mais, forcé par l'échéance d'un billet, Pellerin les avait cédés au juif Isaac, et 15 jours plus tard, Arnoux lui-même les vendait à un Espagnol pour 2000 francs. Pas un sou de moins, quelle gredinerie! Et il en fait bien d'autres, parbleu. Nous le verrons un de ces matins en cour d'assises. Comme vous exagérez, dit Frédéric d'une voix timide. Allons bon, j'exagère, s'écria l'artiste, en donnant sur la table un grand coup de poing. Cette violence rendit au jeune homme tout son aplomb. Sans doute, on pouvait se conduire plus gentiment. Cependant, si Arnoux trouvait ces 2 toiles... « Mauvaise ! Lâchez le mot ! Les connaissez-vous ? Est-ce votre métier ? Or, vous savez, mon petit, moi, je n'admets pas cela, les amateurs. »« Eh, ce ne sont pas mes affaires, » dit Frédéric. « Quel intérêt avez-vous donc à le défendre ?» reprit froidement Pellerin. Le jeune homme balbutia. « Mais parce que je suis son ami. Embrassez-le de ma part. Bonsoir. » Et le peintre sortit furieux, sans parler, bien entendu, de sa consommation. Frédéric s'était convaincu lui-même en défendant Arnoux.

et alors sa belle tête, aux grands sourcils, s'inclinait sur son épaule. Sa poitrine se gonflait, ses bras s'écartaient, son coude où s'échappaient des roulades se renversait mollement comme sous des baisers aériens. Elle lança trois notes aiguës, redescendit, en jeta une plus haute encore, et après un silence, termina par un point d'orgue. Rosenwald n'abandonna pas le piano. Il continua de jouer pour lui-même. De temps à autre, un des convives disparaissait. À 11 heures, comme les derniers s'en allaient, Arnoux sortit avec Pellerin, sous prétexte de le reconduire. Il était de ces gens qui se disent malades quand ils n'ont pas fait leur tour après dîner. Madame Arnoux s'était avancée dans l'antichambre. Dithmer et Hussonnet la saluaient. Elle leur tendit la main. Elle la tendit également à Frédéric, et il éprouva comme une pénétration à tous les atomes de sa peau. Il quitta ses amis. Il avait besoin d'être seul. Son cœur débordait. Pourquoi cette main offerte? Était-ce un geste irréfléchi ou un encouragement? Allons donc, je suis fou. Que m'importait d'ailleurs, puisqu'il pouvait maintenant la fréquenter tout à son aise, vivre dans son atmosphère? Les rues étaient désertes. Quelquefois, une charrette lourde passait en ébranlant les pavés. Les maisons se succédaient avec leurs façades grises, leurs fenêtres closes. Et il songeait dédaigneusement à tous ces êtres humains couchés derrière ces murs, qui existaient sans la voir, et dont pas un même ne se doutait qu'elle vécût. Il n'avait plus conscience du milieu, de l'espace, de rien. Et battant le sol du talon, en frappant avec sa canne les volets des boutiques, il allait toujours devant lui, au hasard, éperdu, entraîné. Un air humide l'enveloppa. Il se reconnut au bord des quais. Les réverbères brillaient en deux lignes droites, indéfiniment, et de longues flammes rouges vacillaient dans la profondeur de l'eau. Elle était de couleur ardoise, tandis que le ciel, plus clair, semblait soutenu par les grandes masses d'ombre qui se levaient de chaque côté du fleuve. Des édifices que l'on n'apercevait pas faisaient des redoublements d'obscurité. Un brouillard lumineux flottait au-delà, sur les toits. Tous les bruits se fondaient en un seul bourdonnement. Un vent léger soufflait. Il s'était arrêté au milieu du pont neuf, et tête nue, poitrine ouverte, il aspirait l'air. Cependant, il sentait monter du fond de lui-même quelque chose d'intarissable, un afflux de tendresse qui l'énervait, comme le mouvement des ondes sous ses yeux. À l'horloge d'une église, une heure sonna, lentement, pareil à une voix qui l'eût appelé. Alors il fut saisi par un de ces frissons de l'âme où il vous semble qu'on est transporté dans un monde supérieur. Une faculté extraordinaire, dont il ne savait pas l'objet, lui était venue. Il se demanda sérieusement s'il serait un grand peintre ou un grand poète, et il se décida pour la peinture, car les exigences de ce métier le rapprocheraient de Madame Arnoux. Il avait donc trouvé sa vocation. Le but de son existence était clair maintenant, et l'avenir infaillible. Quand il eut refermé sa porte, il entendit quelqu'un qui ronflait dans le cabinet noir près de la chambre. C'était l'autre. Il n'y pensait plus. Son visage s'offrait à lui dans la glace. Il se trouva beau et resta une minute à se regarder.